Vous suivez la radio Isanganiro, bienvenue chers auditeurs et auditrices, c'est dans ce journal en français dont voici les titres. 12 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi déplore que la situation persiste et à Rumonge, la province sollicite une assistance d'urgence pour récupérer le corps d'un des enfants décédés mardi à l'hôpital. Certains habitants de la capitale Bujumbura qui font le transport des personnes et des biens déplorent le comportement de la police qui sème la zizanie sur les stations entrées de servir du carburant. Ils affirment que ces policiers y usaient du favoritisme. Et cette pénurie de carburant impacte sur les travaux de construction. Les chantiers sont presque à l'arrêt. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga à la présentation. François Akimana sur la mise en onde. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Domaine de l'enfance, c'est le s'observe dans le marais de Karubango en ville et de Kayanza des enfants de moins de 16 ans qui sont victimes du travail des enfants et qui pratiquent la briqueterie. Ces enfants témoignent qu'ils ont été initiés dans ces travaux par leurs parents pour contribuer dans la survie de leur famille et cela après avoir abandonné l'école. Des parents de ces enfants affirment les dires de leurs enfants. Godefroy Nyonidziguiye, administrateur communal de Kayanza, met en garde quiconque sera accusé d'être auteur du travail des enfants qu'il sera puni conformément à la loi. Patrick Sengiumve. Lors de notre passage dans le marais de Karubango en commune Kayanza, le marais dans lequel on y pratique de la briqueterie, nous y avons rencontré des fabricants de briques parmi des enfants de moins de 16 ans. Avdialimana Erikian, de ses enfants, a indiqué qu'il a commencé cette activité quand il n'avait que 10 ans pour aider son père, lui aussi fabricant des briques, à liquider une dette qu'il avait contractée quelque part. Cet enfant affirme qu'il tombe souvent malade à cause de la fatigue lui causée par cette activité de la fabrication des briques. Jean-Baptiste, un autre enfant qui pratique de la briqueterie dans le marais de Karubango de son côté, affirme qu'il a dû abandonner l'école pour se lancer dans cette activité et cela d'après lui à cause des mauvaises conditions dans lesquelles vivait sa famille. Parmi ces enfants qui pratiquent de la briqueterie dans le marais de Karubango se trouve également un enfant de 13 ans qui affirme que c'est son père qui l'a initié dans cette activité afin de se créer une activité génératrice de revenus. Christophe Niomungere aussi indique qu'il a abandonné l'école mais qu'il pourra retourner sur le banc de l'école les jours à venir. Au moment où tous ces enfants disent que ce sont leurs parents qui les ont introduits dans cette activité de la briqueterie, interrogé à ce sujet ses parents, ceux-ci ne nient pas les informations fournies par ces enfants. Certains disent d'ailleurs que du fait que la vie devient de plus en plus chère ces jours-ci, ces enfants participent avec cette activité dans la survie de leur famille, mais de l'autre côté, d'autres parents disent que ces enfants ne devraient pas être victimes du travail des enfants. Le propriétaire du site Karubango affirme que parmi les travailleurs se trouvent également des enfants. Godefroy Nyonizigui, administrateur communal Kayanza, met en garde ceux qui seront accusés du travail des enfants, qu'ils seront punis conformément à la loi. Vous saurez que le 12 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiumva. Le 12 juin de chaque année, le monde célèbre la journée contre le travail des enfants. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, déplore que certains enfants de moins de 16 ans se trouvent en situation de travail domestique dans les champs, la garde des troupeaux, des briqueteries, la pêche des chantiers de construction dans le transport et autres. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce mercredi, cette organisation trouve que la situation persiste alors que le code du travail burundais interdit tout travail de l'enfant qui nuit à sa santé, son développement normal ou à son assiduité à l'école. Certes, les travaux salubres et légers sont permis, mais l'enfant doit avoir atteint 14 ans. La FENADEB regrette que la communauté burundaise semble tolérer les pratiques de travail des enfants et d'appeler le ministère en charge du travail de mettre en place une ordonnance fixant les travaux et les catégories d'entreprises interdites aux enfants. Toujours dans le domaine de l'enfance, une famille de la commune et province Romangais sollicite une assistance d'urgence afin de pouvoir récupérer le corps de l'un de ses enfants décédé à l'hôpital Sceau mardi. Cette famille dit que la victime et dont certaines de ses parties se sont vues amputées de la chair dans un des pays voisins et n'a pas été à mesure de régler la facture évaluée à plus de 3 millions de francs burundais. Au niveau de la direction de l'hôpital Amahoro d'Obirimba, où cet enfant est décédé, l'on informe que c'est plutôt cette famille qui tarde à venir signer un acte d'engagement de comment elle va régler cette facture. Jean-Pierre Misago. À l'hôpital Amahoro d'Obirimba, où nous l'avons rencontré à la mi-journée de ce mercredi, la mère de la défunte décédée vers 15h de ce mardi n'avait pas encore eu l'accès sur le corps de la victime. Selon ses propos, cela est dû à son incapacité de pouvoir régler la facture s'élevant à 3 660 000 francs burundais. Et c'est une somme extrêmement élevée au regard de son état d'indigence, si on en croit à ses dires. Au niveau de la direction de cet hôpital, l'on indique que c'est plutôt cette mère qui s'est opposée au début des procédures funéraires avant le constat d'un officier de police judiciaire pour collecter les éléments supplémentaires à charge d'une femme détenue à la prison centrale de Rumongue pour trafic de jeunes filles. Cette mère est ensuite partie pour revenir vers 11h de ce mercredi. La direction de cet hôpital ajoute qu'elle ne peut pas garder un corps sans chambre froide fonctionnelle suite à une faible tension du courant électrique qu'elle fournit. Mais il faut au préalable un écrit de la famille s'engageant à régler la facture, un écrit à déposer au service de recouvrement de cet hôpital. Au moment où la mère de la victime dit être une indigente, la direction de l'hôpital Amahoro d'Obirimba dit que dans ces conditions, c'est l'administration communale qui doit s'y prononcer. Jusqu'à 14h de ce mercredi, aucun représentant de la commune de Romangé ne s'était présenté à cet hôpital pour vider la question, même si la mère de la victime dit qu'elle en avait eu la promesse. Sur ce cas, nous avons contacté le secrétaire exécutif permanent, actuellement administrateur ad intérim de la commune de Romangé, mais sans succès. La défunte décédée à 15 ans était alitée à cet hôpital depuis bientôt plus de 2 mois après son retour de la Tanzanie dans un état critique, amputée de la chair sur certaines parties de son corps. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Page justice en bref. Sandra Mohoza, journaliste de la Nova Burundi, est détenue à la prison centrale de Mpimba depuis jeudi 18 avril 2024. Elle est poursuivie pour 2 infractions. Il s'agit de l'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée en date du 13 avril cette année. Elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngozi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. Et le journaliste Kenny Claude Nduimana est détenu à la prison centrale de Mpimba depuis octobre de l'année passée. Il est accusé d'outrage envers des dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il a comparé au mois de mai devant le tribunal de grande instance de Mukaza et après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet 2024 pour cause son co-accusé dont cette affaire avait été libérée provisoirement et ne s'est donc pas présenté à l'audience. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Radio Isanganiro Journal continue. Certains habitants de la capitale de Bujumbura qui font le transport des personnes et des biens déplorent que des agents de la police créent des désordres sur les stations services en train de servir du carburant. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro affirment qu'au lieu de faire respecter l'ordre d'arriver des voitures qui sont sur la file d'attente, ces agents policiers usent du favoritisme. Tous les consommateurs de carburant demandent aux autorités de tout faire pour que l'or noir leur soit distribué dans l'équité. Suivez-les. Le plus déplorable de cette situation, c'est que les bus n'arrivent jamais à être servis. On peut amener le carburant et une station-service peut terminer de servir sans que nous soyons servis alors que nous étions devant sur la quai. Tout se passe alors que la police est là. Ils servent ce qui ont donné des pots de vin. Tout se passe au vide de tout le monde. C'est vraiment déplorable car nous payons des taxes. Ils servent ceux qui n'ont pas passé du temps devant les stations-service parce qu'ils ont donné des pots de vin. J'étais au numéro 7 sur la queue, mais à cause de cette situation, même les numéros 5 et 6 n'ont pas pu être servis. Ils ont servi les véhicules de la police et de l'armée, ainsi que d'autres voitures des services. Nous demandons au gouvernement de nous rétablir dans notre droit. La police n'arrive plus maintenant à assurer l'ordre sur les stations. Même si elle nous donne les prérogatives, on pourra nous-mêmes nous mettre sur la chaîne et être servi en paix. On demande à ce que l'on respecte les gens qui sont sur la queue, au lieu de privilégier les véhicules des services publics seulement. C'est vrai, il y a la pénurie du carburant. Ce que nous demandons, c'est que tous les citoyens soient considérés sur le même pied d'égalité. Nous ne savons pas sur quel pied danser. Nous demandons que les véhicules qui sont sur la queue soient privilégiés, qu'on nous permette également de faire la queue en attendant le carburant. Et l'inspecteur général de la police nationale a promis à la rédaction de la radio-télévision Isanganiro de réagir ce jeudi. Et certains propriétaires des engins motorisés à mairie de Bujumbura se demandent ce que la société pétrolière d'Ibondi, Sopebu, est en train de faire pour résoudre le problème de manque du carburant dans le pays. Les citadins expliquent que ce manque du carburant a d'énormes conséquences dans leurs familles respectives et surtout ceux qui exercent le transport des personnes et des biens. Le gouvernement est vivement interpellé. Le point avec Évariste Ndikobanyang. Les propriétaires des engins motorisés, à savoir les véhicules, les tuk-tuk et les motos en mairie de Bujumbura, disent être dépassés par la pénurie du carburant qui dure longtemps. Ils disent se souvenir des propos du chef de l'État qui a déclaré l'année dernière de prendre cette question à main, mais sans succès. Ils disent aussi se souvenir de la récente création de la société pétrolière du Burundi Sopebu en sigle par le gouvernement pour trouver solution à la pénurie des produits pétroliers. Mais ils se demandent ce qu'elle est en train de faire alors qu'on assiste toujours à ce manque criant du carburant. Les investigations qu'on a menées nous ont révélé que Sopebu a déjà entamé la mission d'importation du carburant, mais qu'elle aurait des difficultés de pouvoir accéder sur le marché d'importation. Malgré ces difficultés, les mêmes sources indiquent que le peu de carburant que Sopebu importe arriverait dans les mains de la Régie des eaux, dont la mission d'importation lui avait été confiée avant mars 2024, et que cette régie de distribution de l'eau et de l'électricité doit d'abord régulariser les pétroliers qui avaient déjà payé les commandes. Pour rappel, la société pétrolière du Burundi, Sopebu en sigle, a été créée le 22 mars 2024 pour garantir l'approvisionnement des produits pétroliers dans le pays et en vue de créer des stocks stratégiques de ces produits. Merci à Evariste Ndikobanyanga. Et la pénurie du carburant n'a pas épargné le domaine des constructions. Et certains habitants de la mairie de Bujumbura, il y a des chantiers seulement que cette pénurie du carburant a ralenti les travaux de construction. Ils disent que les travaux qui ne devaient durer que 3 mois peuvent aujourd'hui prendre 8 mois à cause du manque de carburant pour acheminer les matériaux de construction sur les chantiers. La rédaction s'est rendue au quartier Tcharama, précisément dans la localité appelée Somalie. Voici le constat de notre reporter de Ore Bingabir. Ce sont certains des responsables des chantiers en construction visités dans le quartier Tcharama. Ce mercredi, nous avons vu que les travaux n'avancent pas vite. Les propriétaires des maisons en cours de construction expliquent que dans ces jours où le carburant n'est pas disponible, c'est un problème pour le déplacement des matériaux de construction. Comme exemple typique qu'ils donnent, pour le transport du sable, un camion qu'ils payaient 55 000 l'année passée passé, le paye aujourd'hui 100 000. Cela s'explique par la pénurie du carburant, selon les chauffeurs et les responsables des chantiers. Le retard et la non-disponibilité à temps de ces matériaux de construction entraînent une perte énorme. La pénurie de carburant nous a beaucoup touchés, car le déplacement des matériaux n'est pas facile et cela perturbe les travaux. Les prix ont monté d'une façon extravagante. Le sable qu'on demandait à 900 000, aujourd'hui c'est 710 000, même plus. Le gravier de 120 000 est aujourd'hui à 140 000. Le problème qu'on a dans les chantiers est que les prix des matériaux de construction ont augmenté de prix. L'année dernière, un camion du sable qui était à 55 000 est aujourd'hui à 100 000. Le fer à béton 12 cm qui provient de la Turquie, qui était à 45 000, coûte aujourd'hui 70 000. Les raisons avancées et le manque de carburant pour les déplacements. Face à cette situation, les travaux de construction nous fatiguent et ça devient un casse-tête. Tous demandent au gouvernement de voir comment trouver solution à ce problème de manque de carburant. Les travaux ne marchaient pas vite suite au manque des matériaux qui ne nous arrivent pas à temps à cause du manque de carburant. Un seul camion du sable, on l'utilise une seule fois et on arrête. Nous demandons aux autorités de trouver solution à ces problèmes de carburant, au moins en avoir des fois par mois. La pénurie du carburant n'a pas épargné le domaine de construction car les prix des matériaux sont devenus chers. Cela ne facilite pas la tâche aux responsables des chantiers qui disent qu'ils ne terminent pas à temps voulu les travaux de construction. Parle, rassure-moi. Un langage explosif prend l'origine dans un cumul de stress traumatique se basant sur la théorie de Maslow. Une explication d'Alexis Nibigira, psychologue qui conseille la non-violence pour réclamer ses droits. Et certains habitants de la colline Kibungere, en commune Nyabihanga de la province Mwaro, témoignent quand le langage résulte d'un excès de colère. Mire Kanyang. Certains de ces habitants de la commune Nyabihanga affirment que des cas de langage explosif ont déjà eu lieu dans leur voisinage. Se basant sur la théorie de Maslow, Alexis Nibigira, psychologue, explique ce langage comme une conséquence d'un cumul de stress traumatique. Selon les théories de Maslow, il y a les besoins fondamentaux qui doivent être satisfaits. Et pendant longtemps, quand ces besoins ne sont pas satisfaits, ça peut exploser. Le stress est traumatique. Et tout cela peut altérer le centre d'humeur d'une personne. Et la personne peut vraiment utiliser un langage explosif, un langage qui déshumanise l'autre, un langage plein de haine, un langage plein de colère, un langage qui peut même provoquer la vengeance. Et c'est un langage réellement qui attire l'attention de l'autre et qui peut en certains moments déshumaniser l'autre parce que c'est un langage justement explosif. Les habitants de la colline Kibungere, en commune Nyabihanga, pensent qu'un langage explosif est utilisé lorsque dans une communauté, des problèmes persistent et ne trouvent pas solution. Ils indiquent que cela a des conséquences, bien qu'ils divergent sur celles-ci. Pour certains, les conséquences sont fâcheuses, alors que pour d'autres, c'est un moyen de pousser les responsables des groupes à agir. Anastase Nhamichani, secrétaire exécutif et permanent de la commune Nyabihanga, suggère l'utilisation des mots bien pensés pour éviter des tensions. Anastase Nhamichani, secrétaire exécutif et permanent de la commune Nyabihanga, suggère l'utilisation des mots bien pensés pour éviter des tensions. De son côté, Alexis Nibigira en appelle à la non-violence. Les gens doivent savoir comment communiquer de façon non-violente. Les gens doivent savoir comment réclamer leurs droits en n'usant pas les mots explosifs. Les gens peuvent réclamer leurs droits en respectant les droits de l'autre, en respectant la dignité de l'autre. Réclamer ses droits, vraiment, c'est pas mal. La façon dont on peut réclamer ses droits, c'est ce qui peut provoquer la violence à cause de ces mots explosifs. Aux détenteurs du pouvoir de trouver des solutions aux problèmes persistants et à l'avance pour prévenir les violences, ajoute ce psychologue. Merci à Mireille Kanyange. La grande part du budget général de l'État exercice 2024 et 2025 proviendra des nouveaux taxes et impôts. Dans un rapport présenté devant les députés ce mercredi, Bati Reverien, vice-président de la Cour des comptes, a montré que sur un litre de carburant sera prélevé une taxe de 75 francs burundais au moment où il était inférieur à ce montant. Des députés ont soulevé des inquiétudes au moment où il y a manque de carburant et ces inquiétudes n'ont pas eu de réponse. Et nous devons cette information à notre reporter Lydie Gahimbari. Et bien voilà, c'est pas ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et merci à François Kimana pour la collaboration technique. Jean-Marie Mayonga était avec vous à la présentation. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.